Bienvenue, avant de vivre l'expérience dans la ferme, descendez au centre d'interprétation qui se trouve à l'étage moins 1, et nous vous aiderons au point d'information pour choisir votre visite. Pour descendre, vous pouvez le faire par les escaliers qui se trouvent sur votre gauche, ou en marchant vers votre droite en utilisant l'ascenseur accessible. Sur la surface où nous sommes, vous avez derrière près des escaliers, un espace ouvert avec des tables pour les pique-niques, et en marchant tout droit en ligne, vous traversez la route d'accès au parking et arrivez au verger et à la ferme Igartubetti.